donné, celle qui m'a tout donné, abandonné, abandonné. Où c'est voulu, elle m'a laissé tout ça en tenir, pour faire plaisir, mais non c'est pas comme ça la vie, l'homme n'est pas ni pris, surtout pour ça aux amis. On peut déjà laisser yo tomber, parce que l'amour sans raison que tout le monde te veut trouver. Sans raison que tu peux te trouver.